Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Le Stone Rock Show. Émission Olive. Salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission The Dirty Rock Party Show que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock, à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes, avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classique rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show épisode 25, des épingles à nourrice, du calmé de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classique rock et de la pill session. Allez, let's go, on commence tout de suite avec la première série Destroy avec I Can Stand My Baby de The Resios. C'est une chanson punk rock écossaise sortie en 1977 et qui était incluse dans leur premier album intitulé Can't Stand The Resios. La chanson parle d'une relation tumultueuse où l'auteur ne peut pas supporter son partenaire, mais également incapable de la quitter. C'est un classique du mouvement punk rock britannique. Je te passerai ensuite Mean to Me, chanson du groupe de rock britannique The Stranglers, sortie en 1978 sur leur album Black and White. C'est une chanson qui se distingue par son rythme rapide, sa guitare puissante et son refrain mémorable. La chanson parle d'une relation amoureuse difficile où l'auteur ressent un mélange de passion et de douleur. Les paroles reflètent l'ambiguïté des sentiments ressentis par l'auteur pour sa partenaire. Il est attiré par elle, mais en même temps, elle lui cause de la douleur et de la frustration. La chanson commence par une intro de guitare énergique, suivie par une rythmique puissante qui accompagne le chanteur Hugh Cornwell. La chanson a été un succès modéré pour The Stranglers, atteignant la 29e place des charts britanniques. On enchaînera avec Fat Man Son, chanson énergique et up-tempo du groupe de rock britannique The Soft Boys, sorti en 1979 sur leur deuxième album studio intitulé A Can of Bees. La chanson est construite sur un rythme enjoué, avec une instrumentation dominée par les guitares électriques et la basse. Les paroles de la chanson racontent l'histoire d'un père et de son fils, avec des thèmes de nostalgie, de séparation et d'abandon. Bien que Fat Man Son ne soit pas l'une des chansons les plus connues des The Soft Boys, elle est souvent considérée comme l'une de leurs compositions les plus représentatives avec sa fusion de rock et de punk rock. Et on terminera cette série avec Aerosol Burns du groupe britannique Essential Logic. C'est une chanson sortie en 1978 qui a été écrite par la chanteuse et musicienne Laura Logic qui était l'une des membres fondatrices du groupe. Aerosol Burns est une chanson punk rock qui utilise des rythmes rapides et des guitares électriques pour créer une ambiance énergique et urgente. Les paroles de la chanson sont cryptiques et poétiques, avec des images évocatrices comme des brûlures d'aérosol et des perles de sueur qui créent une atmosphère lyrique et presque surréaliste. La chanson a été largement saluée par la créativité et pour son originalité, et est souvent considérée comme l'une des meilleures chansons de The Essential Logic. Laura Logic a continué à travailler dans l'industrie de la musique après la dissolution du groupe, devenant une musicienne recherchée en tant que saxophoniste et flûtiste pour d'autres artistes. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's Not Dead. C'est un bordel. On a burning plane, she's been mean to me. Mean to me and making me sad. And if I ever get the chance, I'm gonna make her sorry that she's been burned. She carried on when I got home and drove in the line. She said, well, I've been boozing, I've been drinking the wine. Well, she's been mean to me. Mean to me and making me blue. And if I ever get the chance, I'm gonna throw her out and send it to you. Well, she's been mean to me. To me and making me blue. And if I ever get the chance, I'm gonna throw her out and send it to you. The Stone Rock Show. C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades. Bye. T'arrêtes de gueuler, bordel! Je vois pas où est la caméra! Tu veux que ça me foute, moi? Bon, allez, tiens, la lumière, allez. Merde. C'est terminé. Ça, ça tourne! Deuxième partie du Stone Rock Show avec The Slits, groupe de punk rock féminin britannique formé à Londres en 1976. Les membres fondateurs étaient Harry Up, Viv Albertine, Tessa Polite et Palmolive. Le groupe était connu pour son style de punk rock expérimental mélangeant les éléments de reggae, de dub et de funk dans leur musique. Le premier album du groupe, Cut, sorti en 1979, a été acclamé par la critique pour sa fusion de punk et de reggae. L'album comprenait des chansons telles que Typical Girls et I Heard It Through the Grapevine, qui sont devenues des classiques du groupe. The Slits ont également été acclamés pour leur attitude punk féministe et leur rejet de normes de genre de la société patriarcale. Le groupe a été un modèle pour de nombreuses femmes musiciennes à venir, inspirant une génération de punkettes et de musiciennes rock. Après la dissolution du groupe, les membres ont poursuivi des projets musicaux individuels. Harry Up a continué à faire de la musique avec le groupe New Age Stepper. Viv Albertine est devenue auteur et Tessa Polite a travaillé comme musicienne de studio. Les Slits ont été salués comme un groupe pionnier du punk rock féminin et continuent d'avoir une influence sur la musique d'aujourd'hui. Je vais te passer deux extraits de ce premier album Cut, sorti chez Iceland Records, Sotaug et FM. On enchaînera avec le Wire de la semaine, Outdoor Miner, toujours extrait de l'album Chair Missing, sorti en 1978. Et on terminera cette série avec The Jax, groupe de punk rock britannique formé à la fin des années 70. Le groupe était connu pour son style de punk rock énergique et cru, avec des influences de rock'n'roll et de rockabilly. The Jax ont sorti deux singles en 1979, Gutter Kids et Runaway. Malgré un certain succès en live et un petit nombre de fans dévoués, le groupe n'a jamais connu le succès commercial ou la reconnaissance du public qu'ils espéraient. Malheureusement, The Jax se sont séparés peu de temps après la sortie de leurs singles. Bien que leur carrière ait été brève, leur influence sur la scène punk britannique est toujours reconnue aujourd'hui. Je vais te passer le premier single du groupe, Gutter Kids. Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Those who want you to feel Tu touches à ma sensibilité. Oh, yeah. Stone Rock Show. Émission d'Olive. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978. Et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie du Stone Rock Show avec Radio Birdman, groupe de punk rock australien formé en 1974 à Sydney. Le groupe était connu pour son mélange unique de rock'n'roll, de punk et de garage rock, et pour sa scène live explosive. Le groupe a sorti son premier album, Radio Up Here, en 1977, qui a été acclamé par la critique et est maintenant considéré comme un classique du punk rock australien. L'album comprenait des chansons telles que Aloha Steve and Dano, What Gives et Descent into the Maelstrom. Radio Birdman était également connu pour sa rivalité avec le groupe de punk australien The Saints, qui a commencé lorsque le chanteur de The Saints, Chris Bailey, a fait une remarque désobligeante à propos de Radio Birdman. Cette rivalité a alimenté la scène punk australienne et a contribué à la montée en puissance du mouvement punk dans le pays. Après la dissolution initiale du groupe en 1978, certains membres ont continué à jouer de la musique ensemble dans d'autres projets, tandis que d'autres membres ont poursuivi des carrières dans d'autres domaines. Radio Birdman s'est reformé à plusieurs reprises depuis lors pour des tournées et des enregistrements occasionnels et continue d'être reconnu comme un pionnier de la scène punk australienne. Je vais te passer deux titres, Anglo Girls Desire et End of Law. On enchaînera avec deux légendes de la guitare électrique, Link Wray et Dick Dale. Link Wray était un guitariste, chanteur et compositeur américain, né en 1929 en Caroline du Nord et décédé en 2005. Il est considéré comme l'un des pionniers du rock'n'roll et a influencé de nombreux artistes dans le genre. Wray a commencé sa carrière dans les années 50 et est devenu célèbre pour son style de guitare agressif et innovant. Sa chanson « Ramble », sortie en 1958, est considérée comme l'une des premières chansons instrumentales de rock'n'roll et a été interdite dans certaines régions des États-Unis en raison de son caractère violent. Link Wray a également été connu pour son utilisation de la distorsion de guitare et de la réverbération, ce qui a influencé de nombreux autres guitaristes. Il a continué à enregistrer de la musique tout au long des années 60 et 70, avec des chansons telles que Ace of Spades et Fire and Brimstone. Wray a continué à jouer de la musique jusqu'à sa mort en 2005. Son influence pour la musique rock'n'roll et la guitare électrique est largement reconnue. Il a été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018. Je vais te passer le titre Skater. John Peel s'en servait comme jingle d'intervention dans son émission The John Peel Show. Dick Dale était un guitariste, chanteur et compositeur américain, né en 1937 à Boston et décédé en 2019. Il est considéré comme le roi de la guitare surf et a été un pionnier de la musique surf rock. Dale a commencé à jouer de la musique dans les années 50 et est devenu célèbre pour son style de guitare rapide et puissant, influencé par la musique surf de la côte californienne. Sa chanson la plus célèbre, Mother Lou, a été utilisée dans la bande originale du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994. Dick Dale a également été connu pour son utilisation de l'amplification et de la distorsion, ce qui a influencé de nombreux autres guitaristes. Il a continué à enregistrer de la musique tout au long des années 60 et 70, avec des chansons telles que Let's Go Tripping et The Wedge. Dale a continué à jouer de la musique jusqu'à sa mort en 2019. Son influence de la musique surf rock et de la guitare électrique est largement reconnue et il a été un modèle pour de nombreux autres guitaristes. Allez, je vais te passer The Wedge. En attendant, voici Radio Birdman dans le Stone Rock Show. I'm Mais si, je suis très bien. plus durer maintenant. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show. Le premier album solo de David Gilmour, intitulé simplement David Gilmour, est sorti en 1978 pendant une pause dans les enregistrements de Pink Floyd. Cet album a été enregistré à différents moments pendant l'année précédente et a été produit par Gilmour lui-même. L'album représente un style plus personnel que le son caractéristique de Pink Floyd, avec des chansons plus douces et acoustiques. Les paroles, principalement écrites par Gilmour lui-même, sont également les plus introspectives et réfléchies. L'album a été enregistré avec une variété de musiciens, dont certains avaient déjà travaillé avec Pink Floyd. Parmi les musiciens notables, on trouve le batteur Willie Wilson, le bassiste Rick Wills et le claviériste Mick River. Le son de l'album est plus acoustique et plus centré sur la guitare que le son habituel de Pink Floyd, bien qu'il y ait quelques passages de guitare électrique. Les chansons sont également plus simples et plus directes, avec des mélodies accrocheuses. Les paroles des chansons reflètent une certaine introspection de la part de Gilmour, ainsi que des thèmes de la solitude, de la confusion et de la recherche de la vérité. Les paroles de So Far Away, par exemple, expriment un sentiment de déconnexion de la société moderne. Je vais te passer Short and Sweet et So Far Away, deux extraits de cet album. On enchaînera avec In the Street du groupe Big Star. C'est une chanson de power pop écrite par le chanteur et guitariste Chris Bell et le guitariste Alex Shelton, qui est apparue sur leur premier album Number One Records, sorti en 1972. La chanson est devenue plus largement connue en tant que thème de la série télévisée That 70s Show, diffusée dans les années 90 et 2000, bien que la version de la chanson utilisée dans la série ait été enregistrée par le groupe de rock américain Cheap Trick. In the Street est une chanson entraînante avec une guitare accrocheuse et un refrain mémorable. Les paroles parlent de la vie quotidienne et de la camaraderie, avec des vers comme « Il y a une nouvelle journée qui commence et je suis heureux comme un imbécile ». Et on terminera cette série avec « Rollin' » de Mink DeVille. C'est une chanson de rock romantique qui est apparue sur l'album de 1978 du groupe, intitulé « Return to Magenta ». « Rollin' » a été écrite par le chanteur et compositeur de Mink DeVille, Willie DeVille, et présente une instrumentation de guitare douce et un rythme lent et langoureux. Les paroles évoquent un personnage féminin mystérieux et séduisant nommé Rolaine, qui semble avoir un effet magnétique sur le narrateur. La chanson a été bien accueillie par la critique et considérée comme l'une des meilleures chansons de Mick DeVille. Elle est également reprise par d'autres artistes, notamment la chanteuse française Catherine Ringer. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Suspended here. Should I kid myself that I have no fear? I get no choice, I just have to wait. It may already be too late. I don't know what's going on. She is here, but I am gone. My love is lying here. She's far away though she looks so near. Time will tell, she says to me, when a warm glow is all I need. Her peace of mind, her strength of will, it will come, she's sure it will. But how can I put my mind at rest? I feel I'm coming off second best. And I'm coming with my own knife. Is this a dream? Or is it real life? Oh, sweet, come on soon. I can't bear this lonely room. Is it real life? le Stone Rock Show. Pourquoi ? Pourquoi est-ce aussi pompu ? Putain ! Avant, de votre temps, c'était mieux. Ne me fais pas passer pour plus vieux que je suis, mon petit bonhomme. Yeah.

chasm, a weakness suffered by most people, intended for most people. You've got your highway code, follow the signs. Here comes sarcasm. Here comes sarcasm. Meanwhile in the office, secretaries take shorthand as they comment on one boss and his lover. He's fat and 50 and she's that type, and after 8 hours or more the same man will go home and insult the one he loves. Let's go out to dinner tonight. Here comes sarcasm. Are you a victim? Are you a victim? Are you a victim? Are you a victim? Talking is a tricky thing, tangled like a messy string. People get sucky. Finding you the pointed tongue is pointless fun. Great, but it's nasty too. One friend meets another, and they try hard not to care about each other. They think that not caring is nicer than caring. An unspoken agreement. Don't cause problems, let's have a quiet life. Don't cause problems, don't fall in love. Don't meet people or ask for their views. To yourself, you never lose. Here comes sarcasm. Here comes sarcasm. Are you a victim? Are you a victim? Are you a victim? Are you a victim? Talking is a tricky thing, tangled like a messy string. People get soggy. Finding you the pointed tongue is pointless fun. It's great, but it's nasty. Conquer Earth another way. Don't sink an effort just for play. The habit should be try out of yourself. Order is the order of the day, with chaos never far away. But villains in the teacher's soul. No questions, there's one answer. Twice a taste is better than a right. The shame of losing your control. Villains in the teacher's soul. The shame of losing your control. Encouragement is a golden star. Further love is doesn't show a scar. Living is learning, answering questions. Don't make problems, just suggestions. Choose your teachers from everywhere. It might be next door or on the air. The old have a lot of time to spare. You can teach yourself if you care. Open up their minds, but not too far, or they might ask questions that are not in the book. Imagination is all right, up to the point where you take pride. An ordinary guest star, asking questions that aren't in the book. Ordinary level guest star. Encouragement is a golden star. Verbal abuse doesn't show a scar. Living is learning, answering questions. Don't make problems, just suggestions. Your teachers with great care. Brothers conscientious worker needs to give his full attention to his attitude and to his whole approach. Should do well but could try harder, easily distracted, but he is a helpful member of the class. He lacks interest and is lazy, disrespect will hold him back, but arrogance and wit won't get him far. Some improvement, fight with progress, he can see the need for effort if he wants to earn himself a star. Jesus, what we all must learn our tables, not how to turn the tables, we could turn them round. It's accustomed to a 5-day week and praise for being nice, and we can keep in your eyes on the ground. You could turn the tables round, pick your eyes up off the ground. You could turn the tables round, pick your eyes up off the ground. Choose your teachers with great care. Brothers, sisters, neighbors, friends, whoever's there. The old have a lot of time to spare. You can teach yourself if you care. C'est pas si je dois vous appeler amis de la musique ou plus simplement amis du rock. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.